enfoiré, bande d'enfoiré. Libéré Mani, NYMA, Isa Gourouma, Maroki 43, Makata Napoli, on n'est pas très police. Hey. Plomo au plata, ça sent la tasse pas, j'sais même plus quoi faire. J'tape une dernière rata, j'me resserre un verre de Jagda. J'roule un spliff de Schlata, j'mets SA Malaga. Avec des gars à moi, là j'suis dans ma rama. Derrière moi, la voiture de la gueba, elle ne se pue un petit qui c'est beau. La recrue de Colombie, dédicace à Seba. Y'a celle qui se zébat, j'dédicace tous mes gars. Récupère tous mes gains, j'suis dans le magasin. Père fils demain matin, fils de timbre, j'suis dans un baratin. Tu sais bien qu'on a faim. NYMA fait des freins à main. Dans tous les ronds-points, traite avec des cubains. Tu repars le cul plein. Notre département, c'est nous les musiciens, mexicains, tunisiens. Fait divers, grosse moula qui passe dans le parisien. Dans les cités, y'a plein les magiciens. Au cas où, si j'suis KO, j'revendrai de la gueule d'eau. J'fais bosser ta ce gros, j'suis de la Célessao. J'suis un ancien dans le PMU, j'vais jouer au Kélo. 9-2, c'est loin du Kélois que des raps à Renoir. J'le viscère, j'le revois, il me la fera pas deux fois. J'suis hors la loi, ça y est, j'suis hors de moi. Avec son parti. Ok. Deuxième couplet, deuxième étage, la drogue est découpée. 9-2-3-9-0, 2 kilos découlés. Dans la rue, j'fais du son pour les refs écroués. Essaye pas de jouer, tu risques fort d'échouer. J'les ai vus débouler, chacun fait son boulot. La nourrice s'est fait rouler, cassage de tout port au culot. Tu sais où nous trouver, on a rien à prouver. Affranchi midi-midi, mais on a pas tout fait comparé par défaut. Béton pour des pesos, des bracos, des narcos. Méchants comme les Vatos et Carlos Gambinos. Dans une méchante assos. Villeneuve la Garenne, 9-2-3-9-0, 6 rue Hector Berlioz. Regarde-moi dans les yeux, je viens du 92, la drogue est durée douce. Tu vois que je me balade et des fois je suis malade. Je ralentis le shit, j'accélère la salade. Mais ça sent la patate, respecte les frères qui font la prière. Je te dis pas ce que j'ai fait hier, un slim meurtrière. Au micro, acte de barbarie, validé par la rue. Je me fie mal dans Paris, je suis dans la même avenue. Avec Prince et Manu, que des peines de bandits comme Onzaku Mani.